bien que certains m'appellent général. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en direct d'Afrique Média pour témoigner d'une triste histoire. Bien sûr, il s'agit des massacres que vient de commettre la fameuse force onusienne qu'on appelle les casques bleus, et si ce ne sont les casques de la mort, qui vient de commettre une atrocité, bien sûr, contre les civils maliens. Ces civils, il s'agit d'un groupe d'autodéfense. N'oubliez pas, ce sont des remparts contre, bien sûr, les pseudo-terroristes manipulés, bien sûr, par la junte française à la solde, bien sûr, de l'obscurantisme et, bien sûr, leurs alliés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit de deux jeunes Maliens, bien sûr, qui pensaient peut-être que c'est leur localité qui venait d'être attaquée par des touristes, et en s'y rendant, malheureusement, et sans chercher à comprendre, l'aménagement a commencé à tirer sur eux. Même étant sur terre, l'aménagement a continué de tirer sur eux. Et cela viole, bien sûr, toutes les conventions qui régissent, bien sûr, et ce qu'on appelle la guerre. N'oubliez pas, les Occidentaux, dans leur barbarie, dans leur sauvagerie, ils ont essayé de se doter de certaines lois, de certains textes, ce qu'ils appellent des conventions de Genève, conventions d'Étampes, pour réglementer, pour régulariser, pour essayer de moraliser leur façon de commettre les atrocités sur des peuples entiers. Sinon, à quoi sert bon d'essayer de réglementer la guerre? Pourquoi tout simplement ne pas lutter pour mettre fin à la guerre? Pourquoi ces mêmes Occidentaux sont les seuls, bien sûr, à continuer d'utiliser les armes biologiques, les armes chimiques, les armes nucléaires contre les autres peuples du monde? Au même moment, ce sont ces mêmes Occidentaux qui se donnent la main contre tous ces peuples du monde et tous ces autres peuples du monde. Aujourd'hui comme hier, le peuple malien est en train de payer les frais, bien sûr, de cette barbarie occidentale qui, depuis son intervention sanguinaire, est cruelle et inhumaine du côté de la Libye pour tuer, assassiner le guide libyen, bien sûr, et une bonne partie de sa famille, et a répandu cette terreur au niveau du Mali et a continué d'apporter assistance, bien sûr, à ces terroristes. Et les Maliens n'ont pas d'autre choix quand l'armée a été affaiblie par cette même junte française qui l'a désarmée dans les années 92. Au nom d'un quelconque accord de paix, un triste événement, bien sûr, en amenant des politicards qui se disent politiciens à la tête, bien sûr, de l'État malien et qui ont désarmé le Mali totalement, ne laissant autre choix aux civils, bien sûr, que de s'armer pour essayer de s'autodéfendre. Et il s'agit de ces groupes d'autodéfense qui sont abusément, en tout cas, pourchassés, qui sont massacrés. Autrefois, c'était Barkhane qui a fait croire qu'il avait des civils et qui a tué des civils, faisant passer des civils pour des terroristes. Aujourd'hui encore, c'est l'aménagement qui est bien sûr la sœur de Barkhane, qui est la compagne de Barkhane, qui vient de commettre encore la même atrocité. Tout simplement, honte à l'Occident qui, après avoir échoué, honte à la France et à ces terroristes qui, bien sûr, ont échoué de prendre la base militaire de Sévaré. Ça a été un échec cuisant. Malgré les trois véhicules kamikazes lancés, les renseignements maliens étaient déjà en avance. Les drones TBD Barikatar achetés à la Turquie, combinés aux renseignements russo-maliens, l'attaque a été repoussée bruyamment et par des soldats maliens, même si d'aucuns ont voulu faire croire à autre chose. L'Occident n'est pas à ses premiers crimes. On se souvient du charnier de Gossi. Un peu partout, la France n'a cessé de commettre des atrocités. C'est cette même France, d'ailleurs, qui a fait des essais nucléaires au niveau de l'Algérie, qui continue toujours d'accoucher, bien sûr, des séquelles, des conséquences désastreuses de ces armes nucléaires. C'est ce même Occident, bien sûr, qui continue d'appauvrir le peuple nigérien en volant tout l'uranium. Et bien sûr, le peuple nigérien continue d'être peut-être l'un des plus pauvres au monde encore. Désolé, le Niger doit être un pays très riche, un peuple fort, mais la France est passée par là et c'est le même cas au Mali, c'est le même cas au Burkina, le Tchad, on n'en parle pas. Tous les pays africains en difficulté connaissent la présence des militaires français ou des proxys de la France. Jusqu'à quand la France va continuer à poser son genou sur le cou des Africains? le peuple malien, ces jeunes qui viennent d'être froidement abattus par la MINUSMA et qui a vu son mandat se faire renouveler par la France, d'ailleurs à qui le Mali vient de retirer les droits de porte-plume, malheureusement, cela continue et nous n'allons plus demander à la France de lever son genou sur notre cou, comme le disait le président Ousmane Sonko. Nous sommes en train nous-mêmes de lever les genoux de la France de notre cou. Et la France n'a plus son genou sur notre cou. Elle est en difficulté. C'est un genou qui devient faible. Et nous promettons bien sûr, et nous disons, grâce à nos valeurs du passé, grâce à notre détermination, grâce à notre conviction et à notre foi de l'avenir, nous allons triompher sur, bien sûr, le terrorisme que nous impose, bien sûr, et leurs sponsors, leurs parrains, les peuples d'Afrique. Nous allons gagner. Les autres peuples du monde, aujourd'hui, opprimés par l'Occident, vont se libérer. Le monde sera un monde meilleur. Nous sommes optimistes. Nous allons gagner. Nous ne demandons pas à la France de faire des faveurs. Nous allons nous libérer. La liberté a un prix. Et bien sûr, nous, peuple du Mali, peuple d'Afrique, nous sommes prêts à payer le prix de la liberté. Nous allons gagner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ces jeunes, vous venez de suivre avec moi les témoignages de ces jeunes qui s'appellent bien sûr Sadio Debouga, qui dit bien sûr à partir du 22 avril vers 5h30 du matin, ils ont entendu des explosions. Mais bien sûr, ils sont partis, ils étaient quatre personnes, un groupe de quatre personnes, partis bien sûr à bord de deux motos. À bord des deux motos, ils sont arrivés à un point de contrôle des forces armées maliennes qu'on appelle les FAMA. FAMA, F, Force A, Armée, MA et puis Malienne. Donc, ils ont fait le contrôle de leurs documents. Ils étaient en règle. C'est des groupes d'autodéfense. Parce que quand il y a explosion, souvent, c'est leur localité peut-être qui attaque. Donc, à Siranda là-bas, il y avait la MINUSMA devant. Qu'est-ce que la MINUSMA fait? La MINUSMA tire directement sur le conducteur de la moto, et c'est lui le conducteur de la moto, le jeune Sadio, il est atteint au niveau du bras. Donc il atteint, donc quand, normalement quand vous conduisez, une balle, vous êtes atteint d'une balle, effectivement, vous perdez le contrôle de la moto. Il dit c'est ce qui est arrivé, quand il a perdu le contrôle de la moto, il est tombé. Et étant à terre, la MINUSMA a continué de tirer. Et quand ils ont voulu se relever, la MINUSMA a continué, de sorte que celui qui était lui, son camarade, son ami qui était avec lui, bien sûr, a perdu la vie. Mais malgré cela, la MINUSMA a continué de tirer jusqu'à ce que les forces armées maliennes, parce que lui, il a lancé un appel.